Chapitre, notre chaleur sur le périphérique, la pollution, transcendée par le bitume, le béton. Thank you. haine, les forces telluriques. Thank you. Thank you. Sinon je pourrais passer dans la catégorie. Family.